Il s'appelle Charles Gauthier. C'est ici qu'il est emprisonné. Par pitié, laissez-moi le revoir. Allez-y, mais faites vite, j'aurai des histoires.